moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Et la pièce en question, c'est Les suppliantes du poète grec Eschyle. La pièce devait se jouer à la Sorbonne à Paris le 25 mars dernier, mise en scène signée par le français Philippe Brunet. Ce que lui reprochent les associations antiracistes comme la Ligue de Défense Noire ou la Brigade Anti-Négrophobie, eh bien que certaines actrices... Les actrices devaient à l'origine se peindre le corps en noir pour endosser leur rôle. Et selon les associations Anti-Négrophobie, ce n'est que sous la pression d'un groupe d'étudiants que l'université a voulu remplacer le maquillage par des masques. Des associations donc qui dénonçaient l'usage du blackface dans cette pièce. Les associations prennent la parole. Christelle Le Polothèque et Somanina. Dans la polémique sur les questions de genre et de race qui agitent les médias et l'université française, de nouvelles voix s'élèvent qui revendiquent un droit à la parole. Une parole peu relayée par les médias traditionnels, sauf lors d'actions retentissantes, comme la fameuse représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne en mars 2019. Un événement isolé qui a pourtant mis le feu aux poudres et qui illustre magistralement la difficulté d'établir un dialogue entre les différentes parties. Alain Talon, vous êtes le doyen de la faculté de lettres, Sorbonne Université. J'aimerais que l'on revienne avec vous sur l'affaire de la pièce d'Eschyle. C'est une affaire qui a pris par la suite une ampleur internationale, mais au départ, comment se sont déroulés les événements ? Alors, cela s'est déroulé dans un cadre qui est un cadre habituel. Nous avons une troupe de théâtre qui d'ailleurs n'est pas uniquement sur Sorbonne Université, mais sur plusieurs universités, qui est dirigée par Philippe Brunet et qui reconstitue des mises en scène du théâtre grec antique. Ça correspond tout à fait à notre vocation de faculté des lettres et de préservation du patrimoine littéraire mondial. Cette pièce devait se tenir le lundi 25 mars, j'ai appris le vendredi que sur les réseaux sociaux circulait une rumeur comme quoi cette pièce allait utiliser du soi-disant blackface. Ce qui est totalement faux, l'usage théâtral grec, c'est d'avoir des masques. Et donc c'était des masques, ça n'était pas une peinture pour singer un personnage, comme ça se passe dans le blackface aux États-Unis, qui est une pratique absolument condamnable, parce qu'une pratique raciste. Là, ça n'était en aucun cas du blackface. Je dois avouer que cela m'a un petit peu inquiété, mais l'université est un espace de liberté, de tolérance, où tout le monde peut venir. Et donc, j'ai attendu de voir comment se passaient les événements. Les événements, c'est qu'une poignée de personnes, quelques dizaines, ont empêché, par la violence, la tenue de cette pièce. Par la violence, c'est-à-dire ? En empêchant les gens, physiquement d'entrer. Et en empêchant les acteurs de sortir des lieux où ils se préparaient, avec aussi une violence verbale, extrêmement déplaisante. Voilà, c'est inacceptable parce que une fois de plus, j'étais présent sur place. La première chose que j'ai pu dire à ces personnes qui protestaient, je leur ai dit regardons ensemble la pièce et nous en discutons. C'est ça l'université, c'est un lieu où l'on discute. C'est pas un lieu où on empêche les gens de s'exprimer. Anne Lafont, vous êtes historienne de l'art, directrice d'études à l'EHESS. Vous l'avez suivie dès le début, cette affaire, hein, c'est-à-dire que vous étiez au courant avant même les menaces de boycott? Non, je n'avais aucune connaissance ni du projet, ni de l'événement. Je dois dire que j'ai été un petit peu interloquée. La dimension, si vous voulez, la façon dont cela nous a été présenté, ou la manière dont je l'ai compris dans un premier temps, c'était une forme de censure. Alors, c'est pas très agréable de sentir que quelque chose n'a pas le droit d'avoir lieu, a priori. Après, ce que j'ai compris, c'est effectivement qu'un groupe de manifestants, et ça je trouve toujours bien que les gens se manifestent, parce que c'est une première réception, s'est manifesté pour dire que le grimage, finalement, de la peau en noir, avait un retentissement qui peut être blessant, qui peut heurter une partie de la population. Je ne parle pas de ce contexte précis, je n'ai jamais vu la pièce de Brunet. Et finalement... De mon point de vue aussi, la censure s'exerce quand elle vient du pouvoir. Ça n'est pas une association qui peut véritablement exercer une censure. Et puis aussi, après, le grand jeu du fait que, en gros, une association noire a censuré la création d'un artiste qui, en soi, n'avait rien à se reprocher. C'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher qu'on peut pas discuter, qu'il peut pas y avoir une forme de médiatisation sur un projet, qu'on peut pas se rencontrer, peut-être le faire d'abord entre les membres de l'association et puis les comédiens. Il y a mille façons d'arriver à dénouer un problème plutôt que de dire on suspend tout de peur du chaos. Enfin, il faut quand même relativiser les choses, je trouve. Laurent Lanty, vous avez été aussi donc à l'initiative de cette médiatisation de l'affaire de la pièce d'Eschyle à la Sorbonne. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé tout d'abord. Oui, alors, donc un metteur en scène qui est en même temps un professeur de langue et civilisation ancienne, antique, grecque, monte une pièce, Les Suppliantes d'Eschyle, et Philippe Brunet, du metteur en scène, et des groupuscules, donc minoritaires, tentent d'empêcher cette pièce d'être jouée et réussissent à l'empêcher de jouer. Donc ça se passe à la Sorbonne, au centre de Paris. Les associations qui interviennent sont les suivantes. L'UNEF, dont il est désormais connu par un certain nombre d'interventions dans les médias que elle est dirigée par une femme voilée à la Sorbonne, donc ce qui a représenté une horreur pour des générations entières de militants de l'UNEF, surpris par l'évolution récente de l'UNEF. Intervient la brigade anti-négrophobie, dont on peut trouver des vidéos en ligne qui effraieront un certain nombre de nos auditeurs, je crois, pour leur aspiration à l'usage de la violence. Et puis encore la Ligue de défense des Noirs africains. Le tout soutenu sous une forme plus modérée par le CRAN, Conseil, je crois, représentatif des associations noires, dont il est impossible de savoir quelles associations, d'ailleurs, il représente sur son site. Mais le CRAN est dirigé par des gens qui sont beaucoup plus, disons... subtils, diplômés, des anciens élèves de grandes écoles, notamment Louis-Georges Jetin, ancien président du CRAN, qui n'ont pas appelé à l'empêchement par la violence de jouer cette pièce, mais seulement, si l'on peut dire, au boycott, tout en soutenant en fait les associations beaucoup plus violentes qui empêchaient de jouer cette pièce. Notre action concernant cette pièce, s'intègre dans une campagne beaucoup plus large sur les déguisements raciaux. Louis-Georges Tin, président d'honneur du CRAN. Les déguisements raciaux sont une tradition européenne très ancienne. On se déguise en juif, on se déguise en noir, on se déguise en arabe. Cela date vraiment de plusieurs siècles. Nous disons que, au fond, pour ce qui est des Noirs, par exemple, ces pratiques ont commencé avec l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient pour but de montrer les Africains sous un jour ridicule ou diabolique. Et c'est cela qui a permis d'organiser la fabrique du consentement populaire au crime contre l'humanité. Vous ne pouvez pas organiser un crime contre l'humanité sans convaincre les populations qu'après tout, ce ne sont pas vraiment des humains. Donc il faut d'abord faire un travail de déshumanisation pour ensuite légitimer le crime contre l'humanité. Le blackface, c'est ça. Et quand je vois justement le metteur en scène de cette troupe faire un spectacle en utilisant du maquillage noir, ce n'est donc pas un masque, c'est très différent. Là, nous disons, il y a un problème, ces déguisements raciaux sont d'un autre âge. C'est pour cela que nous avons appelé au boycott de la pièce, non pas au blocage. On a le droit de ne pas aller voir une pièce qu'on juge non conforme à sa représentation des choses. D'autres ont bloqué, paraît-il. Moi, je n'y étais pas. En tout cas, la pièce n'a pas eu lieu, en effet. Et quelques mois plus tard, elle a été rejouée, cette fois-ci, sans blackface, sans déguisement raciaux. Et je crois que le spectacle était très réussi, d'après ce qu'on m'a dit. Et il était tout à fait possible. On pouvait le faire, par conséquent. Donc, nous avons, je pense, eu gain de cause. Malgré les rodomontades du professeur et metteur en scène, il a fini par comprendre qu'il avait peut-être fait une erreur. Mais il n'y a pas eu de dialogue directement avec lui ou avec le doyen de l'université ? Pas du tout. Nous l'avons souhaité. Je lui ai laissé des messages. Il avait dit oui et finalement dit non. Après, il a le droit de ne pas dialoguer. Hein. Mais enfin, nous avons souhaité ce dialogue. Il ne l'a pas voulu. Avec le metteur en scène ? Oui, absolument. Je suis un peu consterné de voir où on en tombe, hein, de discuter est-ce qu'ils ont mis un maquillage, est-ce qu'ils avaient un masque, etc. Mais où est passée la liberté de création ? Où est passée la liberté d'expression ? C'est absolument intolérable. Mais je n'ai pas non plus l'intention d'épiloguer trop longtemps sur cette affaire, qui pour moi reste tout de même un épiphénomène. La pièce a finalement été jouée 2 mois après. J'ai été, je l'avoue, assez heureux, frappé aussi, de découvrir que non seulement la mise en scène n'avait aucun rapport avec une ironie raciste, mais encore que l'ensemble et de la pièce et de la mise en scène était en fait, même si c'est anachronique pour la pièce qui nous vient de l'Antiquité grecque, profondément antiraciste. Et profondément d'ailleurs aussi à sa manière féministe. La conclusion à laquelle j'arrive maintenant après avoir vu cette pièce, c'est que malheureusement, ce n'était même pas un contresens, c'était un choix délibéré, non pas d'antiracisme dévoyé, mais de racisme. En fait, la pièce qui a été attaquée, sa mise en scène, la mise en scène en tout cas, est une mise en scène anti-raciste. Et ceux qui l'ont attaqué se prétendent antiracistes et on est donc forcé de le reconnaître, racistes. C'est pas très étonnant quand on y réfléchit bien. Les premiers adversaires des racistes, ce sont les antiracistes. On peut revenir avec vous sur la pièce d'Eschyle, Isabelle Barberis. Oui. Alors, ce qui s'est passé, ce n'est pas, comme on l'entend souvent, une censure. Isabelle Barberis, Université Paris Diderot. C'est ce qu'on appelle depuis longtemps une cabale. C'est une cabale de très grande ampleur. Une cabale n'aboutit pas à une censure, mais à une sorte de destruction symbolique, sociale et professionnelle ciblée. Ciblée sur un adversaire, qui peut être un adversaire professionnel, idéologique ou les deux à la fois. Ici, la cabale visait Philippe Brunet, qui représente une manière, comme Ariane Mnouchkine, d'ailleurs devenue totalement minoritaire, de faire du travail, hein, de faire du théâtre. C'est un théâtre simple, très attentif à la langue, très attentif au texte et à la dramaturgie, qui n'a pas de prétention révolutionnaire, mais une ambition humaniste et de travail très consciencieux sur les textes, sur la langue et sur la richesse donc de ces textes classiques. Donc c'est lui qui était visé. Il était visé parce que je pense que ses adversaires se sont dit qu'il incarnait un dernier bastion d'humanisme. Voilà, on peut parler d'où vient la Kabbale pour la comprendre. Qui elle vise? Qu'est-ce que représente celui qui est visé? Quel est le projet? Outre la destruction symbolique et professionnelle, il me semble, dans le cadre de soi-disant, pas soi-disant, mais pseudo-blackface des suppliantes, que l'on nage dans vraiment dans la mauvaise foi, dans la récupération la plus totale, et que ce prétexte a été véritablement inventé pour susciter une affaire. Il n'y a pas que ces questions d'offense, l'offense du spectateur, hein, c'est la potentielle susceptibilité du spectateur par rapport à des représentations qui pourraient le heurter. Bon, il n'y a pas que cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une orientation effectivement très générale de la pensée des arts vers la réception, mais qui, au bout du compte, si vous voulez, repose la question aussi de la liberté d'expression de l'auteur, hein, sont des voilà, de l'artiste. Il faut tenir très fermement sur la liberté d'expression. Joseph Confavreux, journaliste Mediapart. Après, le terme de censure, moi, je le manierais aussi avec délicatesse, parce qu'il me semble que certains de ces groupes demandaient simplement d'être présents à la tribune, qu'aujourd'hui ce n'est plus possible de faire des débats, y compris notamment, comme on le voit encore des fois, des débats sur la race avec que des blancs en tribune. Voilà, c'est que, il me semble que sur Échille, il y avait une volonté de dialogue aussi. Alors après, les camps sont tellement tranchés qu'il y en a qui vont dire non, c'était que de la censure, mais... Je dirais qu'il faut, encore une fois, il faut à la fois tenir à la liberté d'expression parce que c'est un socle pour nous, et en même temps, surtout pas considérer que dès qu'il y a une protestation de gens qui sont quand même très minoritaires, qui ont peu accès à la parole et qui s'emparent peut-être des fois de manière un peu rapide d'événements culturels, en faire le symbole de la censure ou du retour du procureur Pinard. Voilà, ça, je pense que c'est une grave erreur, parce que c'est encore une fois dire à des gens qui ont longtemps été réduits au silence, taisez-vous. Aux yeux de beaucoup, c'était très grave, parce que premièrement, ce sont des Noirs qui remettent en cause la Sorbonne, symbole de l'identité française, en tout cas des élites françaises, et qui remettent en cause Échille, symbole de la culture élitiste européenne. Et donc, que des Noirs se permettent d'insulter l'identité française et l'identité européenne en même temps, ça fait beaucoup. On se disait, mais on n'a jamais vu ça, quel scandale. Eh bien, moi, je dis, je suis noir, je suis français, j'ai étudié ces sujets, et j'ai une légitimité qui n'est pas moindre que celle de mes interlocuteurs, pour avoir aussi un avis. On peut en débattre, mais le fait que cela soit un scandale si grand montre à quel point les gens n'ont pas l'habitude que des Noirs puissent avoir un avis sur des sujets qui sont normalement non autorisés, d'où le scandale. À partir du moment où un spectateur est dénigré, j'emploie à dessein ce mot-là, parce que sa réaction n'est pas juste et qualifiée d'ignorante, on est dans une démonstration, si vous voulez, d'un rapport de pouvoir, d'un rapport de classe, d'un rapport de race qui est hiérarchique. C'est-à-dire qu'on disqualifie une réaction par rapport à une autre. C'est exactement le contraire de ce que je pense qu'il faut faire. Pour remettre du commun, il faut ne mépriser aucune réaction. Et se dire, d'où vient-elle? Pourquoi se manifeste-t-elle aujourd'hui comme ça? Et comment on essaye de déjouer? Si ça prend, ou si ça passe par une connaissance plus affinée, peut-être, mais c'est pas toujours le cas. Peut-être que même si c'est un masque, c'est juste d'être heurté par ça. Peut-être qu'il faut un temps, on n'est pas au moment encore où on ne le sera pas, heurté par ce genre de choses. Moi, j'attends que ça, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Et le fait même de disqualifier, c'est-à-dire en termes de valeur, hein, une réaction, c'est croire encore qu'il y a des distinctions et de classe et de race entre les spectateurs. Et comment vous vous expliquez, Anne Lafont, que finalement les discriminations sont criantes en France, dans le domaine social notamment, le logement, l'éducation, etc. Et finalement, c'est autour de là que tout va se cristalliser, en tout cas dans les médias. En relisant Césaire, j'ai trouvé très éclairant la manière dont il explique que l'intention créatrice et la dimension artistique, aussi aboutie soit-elle ou pas, aussi frustre soit-elle, fait partie de la vie. C'est-à-dire que c'est aussi, aussi important finalement presque que de se loger, de se nourrir et de s'instruire. Donc quand on est vraiment la nécessité d'entrer dans le beau comme quelque chose qui agrandit l'expérience humaine, tout le monde a besoin de ressentir ça, même avec des moyens extrêmement démunis. Et je crois que en travaillant donc sur ces polémiques, je me suis rendu compte que les grands enjeux du sens de l'humanité pouvaient se loger autour de controverses, autour de polémiques justement, dans les mondes symboliques. Parce que finalement, ça n'était pas accessoire et que peut-être la dimension identitaire qui n'était pas seulement matérielle, mais aussi symbolique, devenait vraiment le lieu de conflits personnels ou interpersonnels pour mieux se définir dans des mondes qui sont en changement perpétuel. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans ce champ antiraciste, des voix nouvelles qu'on n'entendait pas il y a 10 ou 20 ans. Et je crois que c'est le signe d'une émergence démocratique. Des gens qui n'avaient pas la voix au chapitre ont aujourd'hui cet accès aux médias, cet accès à la parole publique, et je trouve que c'est une bonne chose. Évidemment, ça dérange un certain nombre de personnes qui sont dominantes dans l'espace public, dont le privilège de genre, le privilège racial, le privilège économique, social, est de certaines façons mis en cause, et ça les perturbe. Mais au fond, que cette personne soit bousculée n'est pas du tout un problème, c'est peut-être le signe même d'une évolution démocratique. Par conséquent, si on est favorable à l'égalité, je ne suis pas sûr que tout le monde le soit, on doit se réjouir que des sans-voix aujourd'hui aient la voix, qu'il y ait une remise en cause de l'ordre social, des hiérarchies établies, et que l'on dise lutter contre le racisme, c'est effectivement interroger les hiérarchies de race. Il ne suffit pas de ne pas en parler pour les faire disparaître, encore une fois. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de race qu'on est raciste, et c'est pas parce qu'on parle de race qu'on est raciste. Il faut mettre des mots sur les choses. Le Front National ne parle plus de race depuis très longtemps. Marine Le Pen a une stratégie de dédiabolisation. Est-ce que ça veut dire que ce parti n'est plus raciste ? Aujourd'hui, en France, il y a une question raciale qui doit être posée. Louis Georgetin, vous êtes le président d'honneur du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Quel est le rôle du CRAN ? Nous sommes une organisation antiraciste et anticolonialiste. Et par conséquent, notre objectif est de lutter contre ces fléaux. Nous avons posé en France la question noire, ou plutôt reposé, dans ce contexte en 2005, où on pensait que c'est une question soit qui n'existait pas, soit qui n'existait plus, soit qui ne devait plus exister en tout cas. Et nous avons dit pas du tout, on ne peut pas lutter sans les discriminations, sans les identifier. Il faut déjà dire le non. Il y a des populations noires en France. Il faut ensuite poser la question du nombre, de la question des statistiques ethniques que nous avons posées. Et à partir de là, on peut discuter, mais sans mots pour dire les choses. On ne peut pas lutter contre les discriminations. C'est vrai dans tous les domaines. Comment pourrait-on parler de la lutte contre l'homophobie sans parler des homosexuels ? Comment pourrait-on parler de la lutte contre l'antisémitisme sans parler des juifs ? Donc voilà pourquoi il faut des mots, il faut aussi des chiffres. C'est un peu le travail que nous avons lancé. Mais en fait, les associations, notamment celles sur lesquelles j'ai travaillé dans les années 2000, elles sont assez à distance d'une identification comme noire. Audrey Célestine, Université de Lille. Au départ, elles sont sur nous, on est antillais ou on est descendant de victimes de l'esclavage, on est ultramarin, c'est quand même un terme très moche pour désigner les gens qui viennent des Outre-mer, et ils le font pour un certain nombre de raisons, parce que d'une part, il y a une très très grande conscience de la disqualification du fait de se présenter comme une association noire en France. Donc c'est des associations qui vont pas du tout mobiliser ça publiquement. Faut surtout pas se présenter comme des Noirs. Ils sont des Français. Ils sont des citoyens français de l'outre-mer discriminés injustement alors qu'ils sont français depuis si longtemps. Et quand le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, est créé en 2005, et il n'est pas créé sur un agenda particulièrement révolutionnaire et certainement pas sur un agenda racialiste. Hein. Le CRAN, c'est, voilà, il y a plein de gens qu'on identifie comme noirs en France, qui n'ont pas grand-chose en commun, sauf le fait d'être traités différemment parce qu'ils sont identifiés comme des noirs. Donc on va réunir tous ces gens-là et puis on va lutter contre les discriminations et le racisme. Mais il n'y a aucune prétention identitaire, en fait, au CRAN, au moment de sa création. Pour autant, une partie des associations antillaises va très très mal accueillir le CRAN en disant « Mais qu'est-ce que... » Ils viennent un peu nous mettre le bazar en parlant des Noirs alors que nous, on veut pas que ce label-là soit utilisé. Et c'est pour ça que très souvent, quand j'entends présenter ces mouvements comme des mouvements, notamment, enfin en tout cas le CRAN comme un mouvement identitaire, le CRAN, ça n'a rien d'identitaire au départ. Noir, c'est considéré comme une espèce d'étiquette à minima. Alors les choses se transforment après. Oui, l'identification épaisse, c'est ça. Oui, voilà, alors comme ce que dit effectivement Papendia, identification fine, identification épaisse. Et c'est vrai que le livre tiré de ma thèse s'appelle « La fabrique des identités », où justement, je regarde de manière très attentive la manière dont des identités un peu surplombantes vont venir sur les individus, et puis comment eux, ils vont plus ou moins les approprier, et puis après, au niveau vraiment des individus, ce qu'ils vont en dire. Et donc vous avez plein de gens qui publiquement et politiquement vont se définir comme des citoyens français d'outre-mer, mais qui vont se désigner comme des Noirs dans la sphère intime, parce qu'ils savent très bien que publiquement ils veulent pas mobiliser cette catégorie-là, parce que finalement le contenu qu'ils donnent à Noir, il est pas exactement le même selon que ce sont des petits fonctionnaires antillais qui vivent ici depuis longtemps, ou des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne depuis moins longtemps, ou selon que ce sont des petits-enfants de personnes qui ont immigré. Les gens ne mettent pas exactement le même contenu, en fait, à ça. Et puis des personnes vont aussi mettre à distance tout ça. Il y a des gens qui vont être identifiés comme noirs tant par des associations que par la police, mais qui en fait récusent d'être identifiés de la sorte. Et de fait, les chercheurs qu'on accuse de réintroduire la race, etc., on passe notre temps, en fait, à regarder tous ces processus sociaux par lesquels les gens s'approprient, mettent à distance, font avec, proclament des formes d'identification qu'ils ont choisies ou des formes d'affiliation qu'ils vont mettre en avant. Nous disons, par exemple, que si l'on veut travailler sur les discriminations systémiques, il faut avoir des chiffres. Si vous voulez savoir, dans une entreprise comme Renault, qui a été condamnée d'ailleurs en tant que telle, si, comme le disaient certains ouvriers, s'il est vrai que les ouvriers noirs ou arabes sont moins payés que les ouvriers blancs, vous avez besoin de statistiques ethniques. Et c'est pas moi qui le dis. Un juge français a dit, nous avons besoin de chiffres, et sur la base des chiffres fournis, grâce au travail de ces ouvriers, avec la CGT, avec le CRAN, eh bien on a pu dire, effectivement, on constate que les évolutions salariales des ouvriers qui font le même travail, eh bien, sont inégales. Quand ils sont blancs, ils ont une évolution salariale normale, et quand ils sont noirs ou arabes, eh bien, ce n'est même plus le plafond de verre, c'est carrément le plancher collant. Eh bien, cela a été démontré au tribunal, et c'est grâce à ça que Renault a pu être condamné. Donc, voyez, ces chiffres-là, qui montrent des discriminations salariale à caractère racial. Quel changement vous avez pu observer, vous, au fil des décennies, et à quelle forme de mobilisation on aboutit aujourd'hui ? Ce qui a été nouveau quand même au début des années 2000. Abdelali Hadjat, Université libre de Bruxelles. C'est l'émergence des réseaux sociaux comme un espace de structuration et de diffusion de mobilisation, qu'on peut pas seulement dire immigrée, mais de manière plus générale pour l'égalité ou antiraciste. Et ce qui n'était pas vraiment le cas, bien sûr dans les années 90, en raison du fait qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, etc. Et ça a produit des effets sur la manière dont se construisent les mobilisations. Donc pour les nouvelles générations, par exemple, le fait de suivre une affaire. Dans les années 70, 80, 90, même 2000, lorsque vous aviez une affaire de violence policière, par exemple, ou de crimes racistes, le principal enjeu, c'était de monter un dossier, de faire une contre-enquête. Et donc ça supposait un savoir-faire particulier, avoir une certaine connaissance du droit, des relations avec les avocats, etc. Et ce mode d'action en lui-même, qui est plus juridique, qui est plus fatigant, qui est vraiment sur le long cours, sauf pour certaines organisations, je pense comme le comité Adama ou d'autres, où là l'enjeu est vraiment central à ce niveau-là. Mais de manière plus générale, ce type de mode d'action est moins présent. Beaucoup moins présent au détriment d'autres modes d'action qui relèvent des réseaux sociaux. Et c'est en partie lié peut-être par un profil social relativement différent. Parce que le profil actuel, c'est plutôt les diplômés de l'université, enfants d'immigrés ou de troisième génération, entre guillemets, même si j'aime pas dire deuxième, troisième génération. Ce qui fait que, en termes d'organisation, en termes de mobilisation, de références théoriques, c'est pas la même chose. Dans les mouvements actuels, les références sont pas uniquement françaises, mais sont surtout nord-américaines. Donc les références en termes de lutte, quoi, on va se référer au mouvement des droits civiques, au Black Panthers, etc., etc. Et beaucoup moins finalement à l'histoire française des mobilisations immigrées. Donc on connaît plus l'histoire d'Angela Davis ou de Malcolm X, etc., que l'histoire de Saïd Bouziri ou d'autres militants des années 70-80 qui ont pourtant été des gens qui ont fait avancer des choses et qui ont obtenu satisfaction de certaines revendications. Sur les questions de genre et de race, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition ces dernières années. Les réseaux sociaux et les associations de personnes racisées. Ces dernières sont particulièrement visées par les universalistes, du fait qu'elles se réclament du concept d'intersectionnalité ou qu'elles soient à l'initiative de réunions non mixtes au sein de l'université. Michel Laroui, vous avez été très active dans les groupes féministes des années 70. Les femmes maghrébines, elles étaient présentes à l'époque dans ces groupes? On a très très vite créé ce groupe femmes de Saint-Denis, Aubervilliers et Saint-Ouen. On y était plutôt la toute petite classe moyenne, on va dire des instits ou petites profs auxiliaires. À l'époque, il y avait énormément d'auxiliaires dans l'éducation nationale. On était plus de 45% d'auxiliaires, hein, et très très jeunes. Et au sein de notre groupe femmes, on l'appelait pas un groupe de parole, un groupe femmes, on a très vite développé une solidarité avec les femmes de nos quartiers, puisque on vivait presque toutes en HLM. Hein. Donc moi à Saint-Denis, d'abord en foyer de jeunes travailleurs, puis ensuite sur Aubervilliers, sur Saint-Denis. Et là, il y avait absolument pas encore de désir de se retrouver entre femmes maghrébines témoignant de ce qu'elles avaient subi. C'était encore pas la possibilité. Et nous, la focale, elle a d'abord été autour de l'avortement et de la contraception, et ensuite autour des violences. Des violences qu'on avait pu subir, certaines, ou qu'on continuait à subir d'autres, et comment on pouvait soutenir les femmes qui continuaient à subir. Et la plupart d'entre nous, dans les différentes cités où on vivait, on se croisait entre portugaises, espagnoles, maghrébines, etc., etc. Dans ces groupes, la question de la religion était présente ou absolument pas? C'était pas une préoccupation à l'époque. Non, pas du tout. Les préoccupations autour de la religion, c'est-à-dire se faire ce parallèle et les postures je crois ou je ne crois pas, est-ce que toi tu es d'une religion, etc. Moi j'ai commencé à entendre ces demandes-là auprès de mes élèves, c'est-à-dire des adolescents, et c'était après les années 2000 où les élèves commençaient à me demander comment je pouvais faire pour être athée, mais avant les discussions étaient autour des violences et de la grande précarité et de l'enfermement. L'enfermement, parce que dans nos cités, filles ou femmes, on pouvait témoigner, quelles que soient nos histoires dites culturelles, on pouvait témoigner de cette difficulté de vivre librement dans nos cités, dans nos quartiers. Paya Ndiaye, vous êtes présidente de l'association LALAB. À quel moment il vous a semblé nécessaire de créer une association à la fois féministe et antiraciste? Alors l'association est née il y a 4 ans maintenant de Sarah Zouak et de Justine Devillaine, entre autres les deux cofondatrices. Sarah est née dans une famille musulmane où elle était parfaitement en accord avec sa foi et le reste de ses identités. Et au fur et à mesure qu'elle sortait de son environnement familial, elle réalisait la façon dont les femmes musulmanes étaient perçues et les attentes et les projections qui étaient faites sur elles en tant que femmes musulmanes. Et notre constat aujourd'hui, c'est qu'en France, en 2020, les femmes musulmanes sont perçues extrêmement négativement dans les médias. Et elles sont perçues de façon aussi très paradoxale, puisqu'elles seraient soit les victimes d'un environnement familial et religieux oppressif, avec un frère, des frères et des pères violents qui les empêcheraient de s'émanciper, et à la fois qu'elles seraient, et c'est d'ailleurs une critique qui a été adressée plusieurs fois à notre association LALAB, qu'elles seraient une sorte de porte d'entrée de l'intégrisme musulman, qu'elles seraient une façon un petit peu d'adoucir cette façon dont on pourrait islamiser la France. Et donc, comment est-ce que LALAB en est venu à être créé et à se fonder sur du féminisme intersectionnel? C'est tout simplement qu'on a réalisé que dans d'autres espaces simplement féministes, la question de l'islamophobie n'était pas du tout traitée. Que dans des espaces antiracistes, la question du sexisme n'était pas traitée. Et que dans des espaces où on parlait d'islamophobie, d'autres enjeux également pouvaient ne pas être traités. Jaercio da Silva, vous êtes doctorant, vous travaillez, vous, sur les groupes militants intersectionnels en ligne. Oui, les personnes que je rencontre, notamment les femmes noires, elles vont me dire que elles étaient dans des collectifs féministes, mais là, elles ne trouvaient pas la totalité de ces expériences représentées. Donc, elles vont chercher, elles vont rencontrer des personnes, et là, elles découvrent l'intersectionnalité. Et donc, elles découvrent un mot, un concept, un outil qui peuvent les aider à s'y situer, à s'y comprendre, à comprendre ces expériences sociales. Donc, il y a aussi cette transférence entre l'université et les milieux militants, mais il y a beaucoup plus un effort qui est personnel, une volonté personnelle de s'auto-éduquer, de politisé. Et c'est pour ça que c'est là qui m'intéresse, c'est parce que ces personnes, normalement, elles prennent conscience de l'intersectionnalité, donc elles découvrent le concept, et donc elles passent à une action qui est beaucoup plus dans la performance, qui c'est de créer un podcast, créer une chaîne YouTube, créer un blog pour s'exprimer, pour parler de sa propre compréhension, de sa propre interprétation du concept. Je suis encore en thèse, donc ça fait partie encore de questions que je me pose et des choses que j'essaye d'approfondir et d'étudier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, l'impression que j'ai, c'est que les individus, ils font usage de leurs expériences personnelles et individuelles, et même de vécus qui sont intimes. Donc, c'est un usage de sa propre histoire, de ses propres expériences qu'ils vont partager. Et en faisant ça, donc, ils vont partager avec d'autres personnes qui ont peut-être ces mêmes expériences sociales ou les mêmes interprétations de ces expériences. C'est que c'est intéressant, c'est que ces personnes, ils revendiquent jamais une position de porte-parole. Donc, j'ai créé une podcast, une chaîne YouTube, jamais pour dire que je suis porte-parole d'un mouvement ou que je parle au nom de toute personne qui serait concernée par les mêmes questions que moi. Donc ça part vraiment d'une découverte personnelle et ça reste dans ces domaines personnels. Et du coup, pour ma thèse, c'est que j'essaye de comprendre c'est comment donc, ces vécus personnels, ces jeux, ils peuvent se transformer en nous. Et c'est nous, donc il va s'organiser en opposition à « il ». Suwan, vous êtes cofondatrice du collectif Sésame F, donc un collectif LGBT+ et féministe chinois. Comment il est né, ce collectif? En fait, au début, on est trois. On est trois, l'idée est très simple, parce qu'on est trois qui a fait l'étude sur le genre. Donc on est très sensible sur l'illégalité de côté de genre ou LGBT, toutes ces questions aussi, tout le théorie féministe, aussi la pratique féministe. C'est la première association féministe LGBT en France. Donc justement, c'est, quand on fondait ça, on dit qu'on sent que ça a vraiment une grande manque. Parce qu'il existe la semaine LGBT chinoise qui est fondée par un activiste d'origine chinoise aussi. Et j'ai travaillé avec eux pendant 2 ou 3 ans, justement. Mais c'est simplement 2 semaines d'activité assez concentrée aux fêtes de printemps chaque année. Donc, je sens qu'il y a un manque, même au sein de la communauté LGBT en France, mais aussi en Chine, parce que c'est très difficile, enfin, on va dire, rendre visible le LGBT chinois en Chine. Parce que le gouvernement, enfin, il y a des documents qui circulent, enfin, politiques plutôt. On va plus dans la télévision ou radio, tout ça, des scènes, enfin, de LGBT ou de ce sujet. Voilà. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est transmis le message de ça en Chine. Voilà. Vous aviez l'impression que vos préoccupations spécifiques, on va dire, LGBT, féministes, chinoises, elles n'étaient pas exprimées ou elles n'avaient pas d'espace chez les militants traditionnels, qu'ils soient féministes ou LGBT. Pour moi, je trouve que c'est assez difficile. En fait, je pense que la situation d'immigrés, c'est très différent que pour quelqu'un qui n'ont jamais vécu en étranger, par exemple. Donc, peut-être, pour ce genre-là, il peut imaginer, mais il n'a jamais vécu cette sensation de toujours articuler entre deux pays. Cette nécessité de toujours faire les autres respecter nous ou nos habitudes, même parler la langue. C'est un combat de chaque jour, voilà. Surtout devant la radio, c'est... Voilà, on est stressé, et puis voilà, c'est pas notre langue maternelle, et on essaie de mieux exprimer, mais je sais que j'ai fait beaucoup de fautes, par exemple. Ça, c'est une pression psychologique permanente, voilà. Pour tous les gens qui parlent pas la langue maternelle, c'est assez... Quand on nous insulte, parfois, je comprends même pas, il est en train de m'insulter, ou je devine par son visage, tout ça, et dis que oui, peut-être, surtout le humour. Enfin, quand il fait un humour noir, ou c'est quelque chose qui est insultant, mais je sens, mais je suis pas sûre, donc je sais pas comment répliquer. Ça, c'est cette difficulté, c'est vraiment, c'est en souffrance, quoi. Si c'est quelqu'un de poussé, de dire, ah, ou de dire, casse-toi, les Chinois, ça va, bon, c'est clair. Voilà, c'est parce que je suis chinoise, voilà, tout ça. Ou de dire que de discriminer, c'est pas parce que tu es chinoise, donc tu es soumise, tout ça. Ok, ça c'est clair. Mais le problème, c'est dans la vie quotidienne, c'est jamais si clair. C'est très rarement si clair, surtout quand il y a la loi qui interdit le racisme dans le milieu. Enfin, comme ça, c'est... Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine, ça se fait. Et puis, c'est profiter que nous, on parle pas la langue française. Payan Diaye, le but de l'ALAM, c'était de donner la parole aux femmes musulmanes. La première violence que subissent les femmes musulmanes en France, c'est la silenciation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir sur un plateau 5 personnes absolument pas concernées, 5 hommes blancs qui vont débattre autour de est-ce qu'on peut porter un foulard et être musulmane. Les femmes musulmanes, on parle sans cesse d'elles dans les médias. Il ne se passe pas 2 semaines sans qu'il y ait un nouveau fait médiatique, sans qu'il y ait Décathlon qui veuille proposer un hijab de running, sans qu'il y ait une femme qui n'ait pas pu entrer à l'université à cause de telle ou telle chose. Il ne se passe pas 1 semaine sans qu'il y ait un fait médiatique autour des femmes musulmanes. Et pourtant, ces mêmes femmes musulmanes n'ont jamais la parole. Et toutes les violences qui viennent nous assaillir là en tant qu'organisation La Lab, c'est bien l'exemple le plus parlant de la façon dont on essaye de nous silencier et de taire nos luttes. Et au-delà de ça, ça vient aussi nous empêcher dans notre liberté d'action. C'est-à-dire que il nous est arrivé de vouloir proposer un événement dans un lieu que des personnes sur Twitter, voilà, la sphère extérieure, dénoncent ça, à y dire, non mais c'est inadmissible que l'association La Lab, qui est la porte d'entrée du terrorisme en France, qui, je ne sais quoi, ait des locaux dans lesquels elles puissent faire leurs événements. Et en fait, on nous a refusé des lieux à cause de ça. C'est cette difficulté très concrète. On est d'accord, par exemple, dans la rue, faire la manifestation, tout ça, mais les gens ne peuvent pas courir le risque. Parce que leur famille, même en essayant de nationalité française, hein, notre famille est tous en Chine, ça nous fait peur. Donc, quand le féministe français dit librement de dire, voilà, on a fait un cave, demain on est dans la rue, et puis voilà, c'est bien, vous êtes en cortège dans le Gay Pride. Et là, on réfléchit beaucoup plus de choses, on dit que voilà, il y a la personne d'origine chinoise qui vit dans la famille. Ils sont grandis en France, ils sont français, tout ça. Mais quand même, il y a des familles chinoises qui encore très discriminées l'homosexualité, tout ça. Et puis eux, ils sont dans le placard très profond. Et puis eux, ils veulent bien sortir, ils veulent bien nous soutenir. Donc, mais ils ne peuvent pas. Mais comment on peut quand même le faire exprimer? Donc, on étudie la situation. Donc, finalement, on fabriquait de dire que je suis l'ami hétéro qui soutient LGBT, parce que comme ça, il peut quand même aller, si c'est jamais c'est prendre une photo, mais leur famille dit, ok, bah, ils simplement, ils ont copain d'homosexuel, tout ça, mais bon, ils le soutiennent, c'est pas eux. Bon. Donc, c'est pas forcer les gens sortir le placard à cause de ça, quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ce genre de choses, en fait, on a travaillé. Chez La Lab, on considère que dans le système institutionnel de lutte contre les discriminations, il y a ce travers de penser que l'on peut parler pour, à la place de, ou aider les personnes. Le principe des paroles concernées, c'est retourner complètement la vapeur et se dire les personnes discriminées sont les premières capables d'identifier ce qui ne va pas et de mettre en place les outils et les ressources pour lutter contre ces discriminations-là. Et donc, on a beaucoup de femmes musulmanes et même de femmes non musulmanes. La Lab est une association complètement mixte, ouverte à tous. On a beaucoup de femmes donc, qui arrivent en nous disant « Moi, je ne me considérais pas particulièrement comme activiste, mais j'avais besoin d'un espace où on parle de moi et on ne me dit pas que je ne peux pas être féministe et musulmane ou que je ne peux pas être féministe et porter un foulard ou que je ne peux pas être noire et en même temps subir de l'islamophobie. » À côté de ça, on a également des femmes qui ont été dans d'autres espaces, qui ont été dans des milieux simplement qui luttaient contre le racisme, contre le sexisme, et qui sentaient bien que leurs différentes identités n'étaient pas prises en compte, et qu'en luttant contre une des oppressions, en fait, on leur demandait aussi de mettre à côté d'autres choses qui paraissaient plus secondaires pour le mouvement dans lequel elles étaient. Et elles retrouvent dans La Lab un espace où en fait tout est pris en compte, quelle que soit son identité. Une fois intégrées à l'association, toutes les Lalas bénéficient d'une sorte de formation. C'est-à-dire qu'on considère que pour pouvoir se libérer vraiment d'une oppression, la première étape, c'est tout simplement de l'identifier. Quels sont les mécanismes de domination qui se mettent en place pour créer ces oppressions-là? Comment est-ce qu'on inclut l'histoire, le colonialisme? Et on parle beaucoup des mouvements décoloniaux, parce qu'il s'agit justement de ne pas simplement s'arrêter à un instant T aujourd'hui, mais d'expliquer comment tout ça n'est que la continuité de choses qui se sont mises en place bien avant, au cours du XXe siècle et antérieurement. Comment est-ce que j'arrive à partir de mes expériences et les considérer comme finalement des expertises pour identifier des outils de lutte et pas simplement sortir un petit peu de ce paradigme de « il faudrait avoir fait 5 ans d'études sur 5 ans de thèse sur un sujet pour être capable de s'exprimer dessus ». En fait, non, les vécus aussi des femmes musulmanes, les vécus des femmes qui subissent des oppressions sont en eux-mêmes des expertises et permettent de donner lieu à des outils d'analyse sur comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces choses-là. Donc tout ça, ça fait qu'on a un public assez divers, qui reste malgré tout jeune et d'Île-de-France, parce que c'est là où on est aujourd'hui, mais qui vise à non seulement s'ouvrir, mais aussi à prendre en compte finalement une diversité de vécus au-delà de simplement celles qui sont représentées dans l'association. Vous avez noté, Sarah Mazouz, une forme d'entrisme à l'université. Ou au contraire, vous avez l'impression que les concepts issus de la recherche se diffusent plutôt à l'extérieur, c'est-à-dire dans un mouvement inversé. J'avoue que ma conception des sciences sociales m'amène à pas tellement me poser la question. Sarah Mazouz, CNRS. Si du côté du champ militant, on s'approprie des concepts qui viennent des sciences sociales, c'est tant mieux. Et si les sciences sociales se nourrissent aussi de ce qui se formule à partir de l'expérience militante, c'est dans beaucoup de cas salutaire. Donc je ne me pose pas tellement la question de l'entrisme ou du non-entrisme ou de la perméabilité de ces institutions. Ce qu'on peut constater, et ça c'est heureux, c'est que par rapport au moment où moi je faisais ma thèse et où je concluais en me disant c'est quand même très très dur pour les personnes qui sont soumises à des formes d'assignation racialisante ou à des discriminations raciales de pouvoir se revendiquer comme telles, c'est qu'aujourd'hui, on voit l'apparition d'un champ militant sur qui s'approprie ces questions. Après, qu'on soit d'accord avec la façon dont ces choses-là sont formulées, c'est un autre enjeu. Donc ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui bouge, ce qui doit expliquer d'autant plus la crispation des gens d'en face. Par exemple, quel type d'association vous pensez? Je pense aux afroféministes, par exemple, à Moissy, à tout ce qui s'est passé avec le camp des coloniales. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans ces dernières années qui ont où on voit que des types de pratiques qui sont héritées, par exemple des luttes féministes ou des luttes antiracistes, prendre une place importante à différents niveaux. Je dis au niveau syndical, dans des associations qui organisent des événements, etc. Alors bien sûr, après, ça crispe celles et ceux qui ont l'impression d'être pointés comme étant les dominants. Mais là encore, je pense qu'il y a une erreur de lecture. C'est-à-dire que quand on est dans une perspective que d'aucuns qualifieraient de décoloniale, ou quand on est afroféministe, on pointe le système, en fait. La Lab, Moissy, Sésame F aussi. Claire Plumosil, chercheuse. Il y a tout un ensemble d'associations qui sont porteurs d'un savoir critique et d'un savoir-faire militant qui est extrêmement important, je crois, pour nous aujourd'hui, à savoir qu'ils permettent de toucher d'autres publics que les chercheurs et enseignants-chercheurs, qu'ils permettent de faire un travail d'appropriation, de valorisation, mais aussi de production de savoir concret sur les questions de genre, de race, de classe, de religion, de sexualité, etc. Et par ailleurs, font vivre les sciences humaines et sociales sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles agora publiques qui existent, alors même que nous, il faut bien le dire, on est bien incapable la plupart du temps de pouvoir transmettre une pensée dans ces espaces. Ces associations, elles ont des compétences de production et d'animation des savoirs qui permettent, je trouve, de sortir ces derniers simplement des lieux d'études et d'en faire des objets de discussion chauds dans nos sociétés. Notamment pour des personnes qui n'auraient pas nécessairement la possibilité soit d'aller évidemment à l'université, parce que c'est quand même un luxe, soit de pouvoir acheter tel ou tel livre, soit d'avoir les ressources de se renseigner, parce que ça demande des compétences particulières. Et donc elles font un effort, je pense, essentiel pour la vitalité démocratique de ces savoirs. Les associations prennent la parole avec Alain Talon, Isabelle Barberis, Anne Lafont, Louis Georgetin, Laurent Lotti, Joseph Confavreux, Abdelali Adjat, Audrey Célestine, Michel Laroui, Ger Chioda Silva, Sou Wan, Paya Ndiaye, Sarah Mazouz et Clyde Plumosil. Prise de son Georges Thau, Benjamin Thuot, Yvan Turc, Yves Lehors et Antoine Esper. Mixage Claire Levasseur. Coordination Perrine Carvan. Attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Somanina.